بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه جل وعلا ويرضى أما بعد فنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى après avoir pris connaissance de la manzila de la place de l'adab du comportement dans l'islam d'avoir pris aussi part et connaissance de la définition de, du comportement de l'adab dans l'islam et des rétributions qu'il y a à travers cela. Fa'al'an, inshallah, tabaraka wa ta'ala, on va prendre une tarjama mukhtasara, vraiment qui est mukhtasara, de l'imam al-Bukhari, wa illa, yani, il a un droit sur nous, c'est-à-dire qu'on se doit de bien connaître sa tarjama, parce que l'ihsan qu'il a eu envers la umma islamia, il est énorme. Ne serait-ce que l'effort qu'il a fait de l'écrire, Sahih al-Bukhari, qui est un kitab qui est vraiment azim jiddan, hatta qala ba'duhum, صحيح البخاري له أنصف لما خط إلا بماء الذهب. Ils ont dit si jamais vraiment les personnes auraient eu de l'équité envers Kitab al-Bukhari, il aurait écrit avec de l'or, avec une encre d'or, parce que c'est un kitab qui est azim pour montrer vraiment la place de صحيح البخاري en effet l'umma. C'est le kitab qui est le plus authentique. C'est le kitab qui est le plus authentique dans l'islam au niveau des hadiths. Tu trouves pas plus authentique que صحيح البخاري. Il est évoqué qu'à chaque hadith qu'il a placé dans ce livre-là, il l'a fait à rak'atayn. Yani istikhara. Vraiment pour qu'Allah Azzawajal lui donne le tawfiq dans ce kitab-là. Il a vraiment voulu l'amener à la perfection. Et afin que ce soit un profit qui soit immense pour la umma. Wa fi'lan Allah Azzawajal a donné le tawfiq. Combien de hadiths dans Sahih al-Bukhari? 7560, un truc comme ça. Donc tu multiplies par 2, ça fait plus de 15 000 rak'ah. Plus de 15 000 rak'ah, il est pour Sahih al-Bukhari. Il a voulu à travers cela que Allah Azza wa Jalla lui mette un tawfiq shadid et que son nafs il soit mutma'in de le mettre dedans, qu'Allah Azza wa Jalla lui mette la quiétude dans son cœur pour pouvoir placer ce hadith dedans, comme ça il est serein que ce hadith là inchallah il est authentique. Ben, ça montre vraiment l'abnégation de cet imam là, c'est un imam qui est énorme. Al-Imam al-Bukhari kunyatuhu Abu Abdillah. Sa kunya, c'était Abu Abdillah. Et il n'est pas connu qu'il avait des enfants. Personne n'a apporté qu'il avait des enfants. Ou qu'il s'était marié. Wallah, Alam, est-ce qu'il s'est marié ou pas? De ce qu'on sait, c'est que personne n'a évoqué le nom de sa femme, ou bien personne n'a évoqué yani, le nom de ses enfants. Fa wallahu alam, est-ce qu'il avait des enfants? Est-ce qu'il était marié ou pas? Rahimahullahu ta'ala. Lakin, l'abnégation qu'il y avait dans le hadith, allait à penser que c'est une personne comme Nawawi, ou bien comme Cheikh d'Islam, qui s'est dévoué, qui a donné, qui a vendu son âme à Allah Azza wa Jal. Kunyatuhu Abu Abdillah. Et ça fait partie de la sunna de prendre une kunya même si jamais tu n'as pas d'enfant. Comme c'est le cas de Aisha radiallahu anha, Abu Abdillah, elle n'avait pas d'Abdallah. Ça c'est la sunna. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, prends le nom, prends la kunya de Abdallah. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est Abdullah ibn Zubair, le fils de Zubair ibn Hawam, qui était marié à Asma, la fille d'Abu Bakr radiallahu anha. C'était son neveu. Aïcha, c'était sa tante. Fa kunyatuha kanat yani Umm Abdillah, lakin n'avait pas d'Abdallah. La sunna, c'est que tu prennes kunya. Que tu aies un enfant ou que tu n'aies pas d'enfant. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba ibn Badizba ibn Badizba. C'est un peu compliqué. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba Ibn Badizba. Donc il y en a par rapport à au nom qui sont évoqués à l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, par rapport à ses grands-pères, ça nous montre que c'était quelqu'un qui n'était pas arabe. C'était pas un arabe d'origine, c'était un perse. Badizba, Bardizba plutôt, ou Badizba, c'était des perses qui étaient sur la religion des Majus, de ceux qui adoraient le feu. Lakin al-Mughira, c'est-à-dire son deuxième grand-père, huwa aslama. Il est rentré dans l'islam. Wa aslama ala yadi Yaman al-Ju'fi, qui était un gouverneur à l'époque, à Bukhara, et ça a été une cause de son islam. C'est pour ça que tu vas voir maintenant dans la tarjama d'Imam Bukhari, on dit Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Ju'fi. Al-Ju'fi, c'est une qabila min al-Arab, qui vient du Yémen. Lakin, est-ce que c'est un Yéménite là? Il a été affilié Al-Ju'fiyya, c'est-à-dire la qabila Al-Ju'fiyya, parce que Ali, Ibn al-Yaman, al-Ju'fi, celui qui a été la cause de l'islam de son arrière-grand-père qui est le Mughira, il a été apparenté à Ali ibn Yaman al-Ju'fi parce que ça a été la personne qui a été la cause de l'islam de son arrière-grand-père. Lakin ça, fil haqiqa, ça c'est madhhab al-Ahnaf. Al-Ahnaf, il voit que la personne qui a embrassé l'islam par le biais d'une autre, eh bien, il s'apparente à cette personne-là. Il va prendre le même nom de cette personne-là. Lakin hada, c'est pas sahih. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal wala liman a'taq. La filiation, c'est par rapport à l'affranchissement. Comme si jamais j'affranchis un esclave, naham, celui-là, il va être apparenté à ma famille. Amma le fait qu'une personne rentre dans l'islam et qu'il s'affilie à toi, ça fait le haqiqa, c'est madhhab al-Ahnaf, et c'est mukhal, finalement. Une personne à moi, ça ne s'affilie pas à une autre par rapport à l'islam. Et donc, Kani al-Bukhari, Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Badizba al-Ju'fi al-Bukhari. Bukhara, c'est une ville, c'est. Qui a maintenant il est dans l'Ouzbékistan. Bon, c'était un Ouzbék. Et cette ville-là, elle est encore. Moujou d'ailleurs, elle existe encore. Bukhara, Mahroufa, il y a une ville au Ouzbékistan. Donc c'était un Ouzbék, rahimahallahu ta'ala. Son père qui est Ismaïl, qui était connu Kadalika comme étant Muhaddith. Il était connu comme étant Muhaddith. Il a rapporté des hadiths de Hamad ibn Zayd, qui est un grand imam dans le hadith. Kadalika, il a pris le hadith de l'imam Malik, rahimahallahu ta'ala, son père. Il avait comme cheikh l'imam Malik. Donc c'était... Déjà, il baignait dans une ambiance de ilm. Son père était connu comme étant un muhaddith, pas aussi célèbre que l'imam al-Bukhari, lakin qui était connu comme étant un muhaddith, et qui était pieux. Hatta yani, ils ont évoqué que... Il a dit, « La a'lam min mali dirhaman min haram, wa la dirhaman min shubha. » Il a dit, « À ma connaissance, je ne connais pas que j'ai un bien qui a été pris d'un haram, ou bien yani, qui a été pris d'une source qui est ambiguë. » Tout son argent était halal, muta'akkid, 100%, 100% halal. Pas d'ambiguïté dans mon bien. Donc c'était quelqu'un qui était wari', qui était pieux. Wa walidatuhu, sa mère, kazalika, donc on ne connaît pas son nom, qui était abida, c'est quelqu'un qui était dévoué dans l'adoration. Saliha, mustajab al-du'a, dont Allah Azza wa Jal a exaucé beaucoup de ces du'a-là. Kant mustajab al-du'a. Hatta ils ont évoqué que, fil manam, parce qu'il faut savoir que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, comme c'est évoqué, dans sa jeunesse, yani, il a perdu la vue, l'imam al-Bukhari. Il a perdu la vue lorsqu'il était petit et que sa mère l'a vu en rêve, Ibrahim alayhi salam, qui lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la vue à ton enfant. Et elle a vu que Allah azza wa jalla lui avait rendu la vue. Et ensuite elle a dit, min ayna hada, yani, dans le rêve, min ayna hada, ils lui ont dit, min kathrati du'a'ik. Tu as fait beaucoup de du'a et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé tes du'a. Donc c'était une femme qui était saliha, qui était pieuse, qui était devoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a baigné dans une ambiance de ilm et kazalika de taqwa, de piété. Même Hatta lui a dit, sa mère, si jamais les hadiths que tu apprends ne te rajoutent pas dans ton comportement, dans ta religion, sache que ce n'est pas profitable pour toi. Si tu vois que la science ne te rend pas meilleur, soit tu te remets en question, soit tu arrêtes, yani. Donc c'était quelqu'un qui exhortait énormément son fils à être quelqu'un de droit et à œuvrer de sa science. Et كذلك يعني معروف il est rentré dans le hadith et dans l'ilm yani très tôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un don de mémoriser. Il avait une grande mémorisation, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ils évoquent que son cheikh qui s'appelait Ad-Dakhili, une fois il est dans une assise, il s'est trompé. Il s'est trompé dans ses lettres, dans la chaîne de transmission, et l'imam al-Bukhari il a corrigé. Il faut savoir qu'à l'époque où il l'a corrigé, il avait 11 ans. Donc ensuite il lui a dit, si jamais tu as les originaux à la maison, assure-toi et regarde et tu verras que c'est comme je t'ai dit. Donc il a pris le livre, il a regardé et c'était comme l'a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ils lui ont dit à quel âge? C'était à quel âge cela, cette histoire-là? Il a dit j'avais 11 ans. Donc là ça nous montre, yani, on ne parle pas de Yahfaz al-Qur'an, ça c'était fait, c'était déjà bouclé. Laquelle on parle de, dans les Hassanites. Il était même capable de corriger. Capable de corriger. Rahimahullah, il lui a été donné une mémorisation qui est vraiment énorme. Hatta ils ont évoqué la qissa qui est ma'roufa, lorsqu'ils ont voulu le mettre à l'épreuve, yani, sa mémorisation à Bagdad, ils ont fait une assise dans laquelle il y avait 10 personnes à qui ils ont donné 10 hadiths, 100 hadiths qu'ils ont partagés sur 10 personnes. Donc chaque personne avait 10 hadiths. Laquelle ils ont changé les textes et les chaînes de transmission. Donc ils ont modifié le hadith, parce qu'ils ont modifié la chaîne de transmission. Et ils l'ont donné à chaque personne des hadiths. Ils ont dit, voilà, on va voir si jamais vraiment c'est quelqu'un qui mémorise. c'est pas les textes qui étaient importants pour eux. C'était de savoir si jamais ils connaissaient les textes avec les chaînes de transmission. C'est pour ça qu'ils ont fait cela. Donc il y avait des ulama, il y avait aussi des juhal, parce que lorsqu'ils ont entendu l'imam al-Bukhari avec ce qui était dit sur lui, qui était un grand imam, il y avait une grande mémorisation, donc il y avait les ulama et les juhal qui étaient réunis. Donc chacun a commencé à évoquer le hadith, numéro 1, numéro 2, et l'imam al-Bukhari, à chaque fois qu'on lui disait le hadith, il disait « je ne connais pas ce hadith-là ». Il y a des hadiths, il y en a qui sont ma'rouf, maintenant « innama l'a'malu bin niyat ». C'est-à-dire qu'il vient avec la chaîne de transmission, ensuite il dit « qala qala nabi sallam, innama l'a'malu bin niyat ». Et ensuite il dit « je ne connais pas, ce hadith-là, je ne connais pas ». Donc les personnes qui ne connaissaient que les textes, ils se sont dit « mais celui-là, vraiment, il ne connaît rien ». Vous avez dit que c'est un imam, il ne connaît rien. Comment il ne connaît pas ce hadith-là? Mais nous, on le connaît. Et vous prétendez que c'est un imam. Et le ulama qui était là, ils se sont aperçus que vraiment, il avait une grande mémorisation. Parce qu'ils ont vu, lorsqu'il a dit « je ne connais pas », ils savaient qu'il allait dire « il y en a en gros, vous êtes trompé dans les Hassani ». Donc lorsqu'ils ont fini, l'émia, il a dit « c'est bon, c'est fini ». La mascarade est finie. Et ensuite, il a dit, quant à toi, ton premier hadith, tu as dit que c'était le hadith par la chaîne de transmission, ceci, cela, avec tel texte. Non, c'est faux. C'est telle chaîne de transmission avec tel texte. Le hadith numéro 2, tu as dit la chaîne de transmission, c'était ceci, cela, et texte, c'était ceci, cela. Non, c'était... C'est pour ça que l'imam al-Hafidh ibn Hajar l'a dit. Il n'y a rien d'étonnant que l'imam al-Bukhari, il leur a répété leur hadith dans lequel s'était trompé. Il a dit, il n'y a rien d'étonnant parce que c'était quelqu'un qui était connu comme ayant une grande mémorisation. Lakin, il dit, ce qui est étonnant, il a mémorisé l'erreur et la rectification. C'est-à-dire, il a repris le hadith dans l'ordre qui était donné dans l'erreur. Donc il dit ça, c'est vraiment hadith, parce que 100 hadiths comme ça qui te sont cités, et que tu les mémorises avec erreur, ensuite tu dis, toi, je me rappelle, ton premier hadith c'était ceci et cela, c'est une erreur. Vraiment agib. Après, bon, il n'y a pas de sénat. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme si c'est cela? C'est une histoire qui est vraiment mutawatir, qui est vraiment propagée dans les livres. Wallahu alam, c'est très possible, en tout cas. Il est dit que, une fois, dans une nuit, il a fait une muraja de ces hadiths-là. Il a dit, j'ai vu que ça va atteindre à peu près 200 000 hadiths. Et tu vas le voir, la largesse de la mémorisation des Imam al-Bukhari, parce que dans ce kitab-là, il évoquait des athars dont tu ne trouves que dans ce kitab-là. Avec tout le kitab de kutub qu'il y a dans l'islam, tu ne les trouves que ici, dans l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari. Donc ça montre vraiment que c'était quelqu'un qui était vraiment à part. Au niveau du comportement kazalik, c'était quelqu'un qui était connu comme étant Bartlofi, qui est quelqu'un de humble, et qui était un commerçant, qui était un actionnaire. C'était un actionnaire, c'est-à-dire il donnait une partie de son argent, et son associé, il fructifiait le fonds commerce, la base, et lui, ensuite, il se partageait les bénéfices en deux. Ils appelaient ça le mudaraba. C'est actionnaire, Yanni. C'est lui qui donnait le fonds, et cette personne-là en fructifiait l'argent. Hein. Il a financé ses voyages, parce qu'il est parti un peu partout. Misr, dans l'Irak, Hacham, il est parti un peu partout, l'imam Bakhir, rahimahullah ta'ala. Donc il a financé ces voyages-là avec cette tijara, ce commerce-là qu'il avait. Et il est dit que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'était quelqu'un de très très généreux. Et qui dépensait pour les élèves, les mashayikhs, et kadhalika pour les pauvres. Il est dit que chaque mois, à l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dépensait 500 dirhams. 500 dirhams, c'est l'équivalent de 750 $. Chaque mois, il donnait 750 $, l'équivalent de 750 $, comme sadaqa, pour les fuqara, pour les tullab, al-ilm, wa kadhalika al-mashayikh. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment généreux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis une baraka dans son commerce. Et même une fois, ils ont évoqué que tellement il était généreux qu'il n'avait plus rien. Un jour comme ça, il n'avait plus de nouvelles de l'imam al-Bukhari, il ne sortait plus. Donc ils sont partis à son domicile pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et ils évoquent qu'il n'avait plus de vêtements, plus rien du tout, parce qu'il avait donné tout ce qu'il avait. Que ce soit un vestimentaire ou bien son argent. Il ne pouvait pas sortir parce qu'il n'avait plus rien. Et donc du coup, ensuite, il y en a certains des élèves, ils sont venus, ils ont acheté des vêtements, afin qu'il puisse sortir et qu'il puisse continuer dans le tahdith, dans le tadris. Donc ça montre vraiment la générosité à un tel point qu'elle était chez lui, rahimahullah ta'ala. Kadhalika a évoqué, il y a une qissa qui a dit que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans un des voyages qu'il a fait dans Talab al-Ilm, donc il avait pris le bateau pour se rendre à un endroit, il n'est pas Talab al-Ilm. Il avait pris avec lui de l'argent. Il avait avec lui 10 000 dirhams. qui est l'équivalent à peu près de 15 000 dollars avec lui. L'équivalent de 15 000 dollars, une petite fortune. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éprouvé d'une personne qui était qui avait une mauvaise intention. Donc, une personne dans le voyage. Donc, ils ont fait connaissance à travers le voyage lorsqu'ils étaient dans le bateau. Et l'imam al-Bukhari, il est arrivé au point de lui expliquer que voilà, il va en voyage pour talab al-ilm. Il lui a expliqué aussi qu'il avait de l'argent avec lui, telle somme et tout. Il y en a pour faire talab al-ilm. Et du coup, ce type-là, il s'est dit, bon, j'ai un plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier. Après que les gens ils ont dormi, tu vois. Il s'est levé, il s'est mis à crier et dire, on m'a volé mon argent. Ils l'ont dit, mais t'avais combien? Donc il a dit, j'avais 10 000 dirhams. 10 000 dirhams avec moi, qu'on m'a volé. Donc ils ont commencé à fouiller tous les passagers un par un. C'est bon? Comme ça, Yannis, si jamais ça arrive sur le même Bukhari, ils vont dire, ah, c'est toi qui as volé. Donc ils sont mis à chercher un par un, à fouiller tous les passagers un par un. Et le même Bukhari, il a. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui le sac qu'il avait avec lui et il l'a jeté à la mer. Lorsqu'ils sont arrivés à lui, bah, ils l'ont fouillé, il n'y avait rien du tout. Lorsqu'ils sont descendus du bateau, le type il est venu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Il a dit, je l'ai jeté. Je l'ai jeté à l'eau. Il a dit, comment as-tu pu y aller jeter cette somme-là? Kayfa alqayta dhalika? Il lui a dit, ya jahil. Al-Makhari lui a dit, ya jahil. Ala tadri anni afnaytu hayati kullaha fi jam'a. Hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, espèce d'ignorant, tu sais pas que j'ai voué ma vie au fait de rien à la hadith du prophète alayhi wa sallam. Il a dit, tu t'imagines si jamais les gens du hadith auraient eu la connaissance, même si jamais c'est faux, que je vole, et ben ils auraient délaissé tous mes hadiths. Donc tout ce que je fais là, c'est, ça serait, comment ça s'appelle, vain en vain. Donc il a dit, je préfère préserver ma sum'a, ma réputation, afin qu'on puisse profiter de moi et de mes hadiths, que de garder les 10 000, les 10 000 dirhams. Rahimahullah ta'ala. Wassana l'ulama alayhi, ils sont énormes. Côté Ibn Sa'id, il a dit, jalastu al-fuqaha wal-zuhad wal-ubbad, qal fama ra'aytu rajulan a'qal minhum. J'ai vu une personne qui avait un sens de réflexion aussi profond que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Certains ont dit, si jamais tu veux voir devant toi l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahway, Ali ibn Madini, t'as qu'à t'asseoir devant l'imam al-Bukhari. Il a dit, faqad jama'a ilma ha'ula. Il a réuni la science de ces trois personnes, de ces trois imams. Tu veux l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahway, c'était un grand faqih. Et Ali ibn Madini, c'était quelqu'un qui était fort dans le hadith, dans la chaîne de transmission, tout ça, pour voir les défauts. L'imam Ahmed, rahimahullah, ma'rouf, yani. Et Ishaq ibn Rahway, c'était un faqih. Donc il a dit, si tu veux voir devant toi un muhaddith, un faqih, et quelqu'un qui est fort dans l'illah, c'est-à-dire que même le hadith qui s'arrive va dire, voilà, il y a une erreur dans cela, tu as juste à t'asseoir devant l'imam al-Bukhari. Il a réuni la science de ces trois personnes-là. Certains ont dit, c'est faqih, yani hadil umma, c'est le jurisconsulte de cette umma. Il faut savoir que ce n'était pas quelqu'un qui était affilié à un madhhab. Ni Hanbali, ni Shafi'i, ni ceci et cela. Malgré qu'il a étudié, parce que fait Bukhara, c'était le fiqh de l'imam Abi Hanifa qui était beaucoup plus propagé. C'est pour ça que tu vois beaucoup dans Sahih al-Bukhari, il y a Rudd alayhim. Il réfute yani, ce madhab-là énormément, parce que c'était celui qui était beaucoup plus propagé dans le pays dans lequel il était. Laquelle, malgré cela, c'était quelqu'un qui était, yani, qui avait un ijtihad qui était mutlaq. Il ne s'est pas apparenté à un des madhab. Lorsqu'il voyait le dali, il le prenait. Salafi al-madhhab wal-aqida. Naam. Rahimahullah ta'ala.